Leçon 3, exercice 42. Caractériser, relier. Exemple. Mon père était un inventeur. On lui doit à la fois des avions célèbres et le tube de rouge à lèvres. Mon père était un inventeur à qui l'on doit à la fois des avions célèbres et le tube de rouge à lèvres. À vous. Zinedine Zidane est un footballeur. Ses supporters lui doivent de grandes joies. Zinedine Zidane est un footballeur à qui ses supporters doivent de grandes joies. J'aime bien la publicité de Chanel. On y voit le petit chaperon rouge. J'aime bien la publicité de Chanel où on voit le petit chaperon rouge. Je déteste cette femme. Elle se prend trop au sérieux. Je déteste cette femme qui se prend trop au sérieux. Ce garçon est très créatif. Je l'ai rencontré à l'école des Beaux-Arts. Le garçon que j'ai rencontré à l'école des Beaux-Arts est très créatif. J'aimerais bien découvrir ce comédien. Tu m'en as tellement parlé. J'aimerais bien découvrir le comédien dont tu m'as tellement parlé.